coup de poing que j'ai reçu gamin d'un autre gamin plus fort que moi. Les trois coups de poing que j'ai reçu gamin, ils me sont restés sur l'estomac. Gentiment, et puis rentrer chez moi. Je ne suis pas comme les autres. Si je ne bouge pas, il me manque quelque chose ce soir-là. Les trois coups au cœur que j'ai reçus un jour d'une fille plus belle que les amours. Les trois coups au cœur qui m'avaient fait souffrir ne sont maintenant qu'un souvenir. J'ai tendu mes mains vers sa tête d'enfant, mais elle est partie au loin comme le vent. Et depuis ce jour, dans les rues, par tous les temps, je recherche un autre amour et je l'attends. Je pourrais comme les autres aller au cinéma gentiment, une fille à mon bras. Je ne suis plus comme les autres depuis qu'elle n'est plus là, mais un jour, je le sais, elle viendra. Celle qui saura me faire ouvrir les poings avec un sourire, avec un rien. Celle qui saura me faire ouvrir les poings et laver mon cœur de son chagrin. Celle qui saura me faire ouvrir les poings, elle sera là peut-être demain. Celle qui saura me faire ouvrir les poings, je la vois.